Thank you. Thank you. s'abaisser. Extrait d'une lettre ouverte, adressée à M. André Malraux par des avocats du barreau de Paris, relatant les tortures dont leur client avait été victime. Puisque vous proposiez, Monsieur le ministre, à Messieurs François Mauriac et Albert Camus de se rendre en Algérie pour constater que la torture y avait disparu, nous nous permettons de vous suggérer de leur demander plus simplement d'aller à la prison de Versailles et au commissariat d'Argenteuil. Pensant que la dénonciation de la torture ne saurait être confidentielle, nous estimons devoir rendre notre lettre publique. D'un jeune Algérien, Moussa Kebaïli, aujourd'hui personnage important dans son pays, et que les hasards de la politique feront peut-être un jour recevoir officiellement à l'Élysée. J'étais étudiant à Paris, arrêté, conduit dans les locaux de la DST, rue des Saussets. L'un des policiers, m'appliquant les électrodes dans l'anus et sur le cœur, me fit remarquer « J'ai connu la torture chez les nazis, maintenant je l'applique. » D'Henri Alleg, extrait de la question. Il tenait son visage tout près du mien. Il me touchait presque et hurlait. « Tu vas parler, tu vas parler. Tout le monde doit parler ici. On a fait la guerre en Indochine. Ça nous a servi pour vous connaître. Ici, c'est la Gestapo. Tu connais la Gestapo. » Puis, ironique, tu as fait des articles sur les tortures, hein, salaud? Eh bien, maintenant, c'est la 10e DP qui les fait sur toi. Ce qu'on fait ici, on le fera en France. Ton Duclos et ton Mitran, on leur fera ce qu'on te fait. Et ta putain de République, on la foutra en l'air aussi. Du caporal R, 2e BEP. S'il existe un jour un nouveau tribunal de Nuremberg, nous serons tous condamnés. Des oradours, nous en faisons tous les jours. De la revue Esprit, mai 58. Il arrivait que les gendarmes se livrent sur les prisonniers à des abjections, de véritables atteintes à la dignité humaine, au point d'essayer de transformer des hommes en bêtes. J'ai vu des hommes qu'on obligeait à subir des rapports sexuels de la part des chiens. D'autres choses encore innommables. Le 3 janvier 1957, Boumedienne Mohamed, du Douar Ouled Hamou, a été fait prisonnier et emmené à la gendarmerie de Turenne. Là, il fut attaché par les pieds au plafond, la tête en bas. N'ayant rien voulu dire, les Français lui engagèrent la tête dans un fourneau. Il mourut ainsi, brûlé vif. Le même jour, et au même lieu, un autre prisonnier, Mohamed Abdellah, ayant également refusé de parler, les mêmes Français lui placèrent un pain de dynamite dans l'anus et le firent exploser électriquement. Son corps fut complètement déchiqueté. Journal du Maquisard, paru dans El Moujahid, numéro 46, 20 juillet 59. C'était au cours de l'été. Nous avions une voisine enceinte. J'étais chez elle lorsqu'au cours d'un ratissage, des soldats français ont fait irruption dans la maison. J'ai pu me cacher, mais j'ai vu toute la scène. Ils ont pris la femme et lui ont ouvert le ventre. Ils arrachèrent alors le fœtus et s'amusèrent avec, comme avec une balle. Ils le balançaient de l'un à l'autre. Voici ce qu'on fait avec un sale arabe, disait-il. J'ai tout vu de mes propres yeux encore 15 ans. Recueilli par la journaliste suédoise Christina Liljestierna. Un enfant de 7 ans, à qui un lieutenant avait de force tenu les yeux ouverts, afin qu'il vît et se souvint longtemps de la torture et de la mort infligée à ses parents, a dit « Je ne désire qu'une chose, de pouvoir découper un soldat français en petits morceaux, en tout petits morceaux. » Beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Les jeux de la mort sont universels. Bonsoir.